mal de ma part. J'ai senti qu'il y avait air depuis le départ. On a l'impression que je suis un bâtard. Moi-même je sais que t'as pas de sentiments pour moi, baby. T'as pas de sentiments. T'as pas de sentiments. T'as pas de sentiments. T'as pas de sentiments. T'as pas de sentiments. T'as pas de sentiments. Oh, t'as pas de sentiments. Tu ressens que t'aimes. T'as pas de sentiments. T'as pas de sentiments. Oh, t'as pas de sentiments. Sentiments.